En 1959, j'avais commencé la chanson par la mélodie que voici. Yo kana no moke akelia Nana pominde la kwa paninga e Lelo na butunga na panzina no timbe la bomoni Belia wanga imotema Elenge kito koyo zalie Moi moi tanga moi balé ota mola kamalembe Una komiko lela kelia